Esther chapitre 6. Cette nuit-là le roi ne pouvait dormir, et il commanda qu'on lui apportât le livre des mémoires, c'est-à-dire, les chroniques, et on les lut devant le roi. Et il trouva écrit que Mardochée avait donné avis de la conspiration de Bigthana et de Térè, deux des eunuques du roi, d'entre ceux qui gardaient l'entrée, lesquels avaient cherché de mettre la main sur le roi Assuérus. Alors le roi dit, « Quel honneur et quelle distinction a-t-on accordé à Mardochée pour cela ?» Et les gens du roi, qui le servaient, répondirent, « On n'a rien fait pour lui. » Et le roi dit, « Qui est au parvis ?» Or Haman était venu au parvis du palais du roi, pour dire au roi qu'il fit pendre Mardochée au gibet, qu'il lui avait fait préparer. Et les gens du roi lui répondirent, « Voilà Haman qui est au parvis. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman donc entra, et le roi lui dit, « Que faudrait-il faire à un homme que le roi prend plaisir d'honorer ?» Or Haman dit en son cœur, « À qui le roi voudrait-il faire plus d'honneur qu'à moi ?» Et Haman répondit au roi, « Quant à l'homme que le roi prend plaisir d'honorer, qu'on lui apporte le vêtement royal, dont le roi se vêt, et qu'on lui amène le cheval que le roi monte, et qu'on lui mette la couronne royale sur la tête, et qu'ensuite on donne ce vêtement, et ce cheval à quelqu'un des principaux, et des plus grands seigneurs qui sont auprès du roi, et qu'on revête l'homme que le roi prend plaisir d'honorer, et qu'on le fasse aller à cheval par les rues de la ville, et qu'on crie devant lui, c'est ainsi qu'on doit faire à l'homme que le roi prend plaisir d'honorer. » Alors le roi dit à Haman, « À toi, prends le vêtement, et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi, ne mets rien de tout ce que tu as dit. » Haman donc prit le vêtement et le cheval, et vêtit Mardochée, et il le fit aller à cheval par les rues de la ville, et il criait devant lui, « C'est ainsi qu'on doit faire à l'homme que le roi prend plaisir d'honorer. » Puis Mardochée s'en retourna à la porte du roi, mais Haman se retira promptement en sa maison, tout affligé, et ayant la tête couverte. Et Haman raconta à Zéré, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Alors ses sages et Zéré, sa femme, lui répondirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu n'auras point le dessus sur lui, mais certainement tu tomberas devant lui. » Et comme il parlait encore avec lui, les eunuques du roi vinrent, et se hâtèrent d'amener Haman au festin qu'Esther avait préparé.